Donc, dans la catégorie « Je recycle mes vieux appareils électriques à la déchetterie », les gagnants sont Jean-Pascal de Fort-de-France dans l'écran de la mer, Vivien de Nantes dans 4 lave-linges et un enterrement, et Amina de Bastia dont la clim était presque parfaite. Alors Jean-Pascal, vos premières impressions? Ah, c'est dingue, je m'y attendais pas. Oh, surtout que j'avais une vraie flemme ce jour-là. Mais bon, je suis quand même allé à la déchetterie, avec ma vieille télé dans le coffre. Eh oui, rapporter un appareil électrique usagé à la déchetterie, c'est être sûr qu'il soit dépollué et que ses composants soient recyclés à plus de 80%. Toutes les solutions de recyclage sur écosystème.fr. Troisième temps de notre série sur l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, le débat sur les routes de commerce, mais aussi sur les postes frontières qui coupent ces routes dans l'Égypte antique. Après avoir évoqué lundi avec Damien Agut la question du temps et de son découpage en Égypte ancienne, puis hier nous être intéressés à l'administration de l'Empire, nous allons ce matin nous plonger dans les relations de l'Égypte à ses voisins du nord, de l'est, de l'ouest et du sud, mais aussi aux routes et aux relations commerciales ainsi qu'à la domestication, oui, la domestication du cheval et du dromadaire entre le deuxième millénaire et le premier millénaire avant notre ère. Nous le ferons en compagnie de deux chercheuses, Claire Somaglino, elle est maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Vous avez fait votre thèse sur les postes frontières de l'Égypte au Nouvel Empire. Vous co-dirigez la fouille d'Aït Sourna en mer Rouge et vous êtes une des co-auteurs, co-autrices du livre « Apparaître chez Armand Colin sur l'Égypte pharaonique » avec Pierre Tallet, Frédéric Perraudeau et Chloé Ragazzoni qui étaient nos invités hier. Bérangère Rodon, vous êtes également avec nous. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Isoma. Vous fouillez à Taposiris Plaintine, au bord de la Méditerranée, et mais également dans le désert oriental sur les fortins qui étaient placés le long des routes qui conduisaient à la mer Rouge. Ô Tyr, toi qui es assise au bord de la mer et qui commerces avec les peuples de tant d'îles, ceux qui t'ont bâti ont su parfaire ta beauté. Tu étais Éden, le jardin de Dieu. Ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât. Le fin lin d'Égypte, avec des broderies, te servait de voile et de pavillon. Et des étoffes teintes en bleu et en pourpre formaient tes tentures. Juda et le pays d'Israël commerçaient avec toi. En échange de tes marchandises, il donnait le miel, l'huile et le baume. L'Arabie et tous les princes de Kédar commerçaient avec toi. Ils pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Tous commerçaient avec toi, échangeant les riches étoffes contenues dans tes coffres en bois de cèdre contre de l'or, des pierres précieuses, des cornes d'ivoire et de l'ébène. Mohamed Rouhabi lisait la prophétie d'Ézéchiel contre Tyr et Sidon, tirée de l'Ancien Testament, dans une émission de France Culture. C'était en 2015, produite par Odile Mili Judaïque et réalisée par Thomas Duterre. L'épopée phénicienne, les hommes aux semelles devant. C'est curieux de commencer une émission sur l'Égypte ancienne en parlant de Phénicie, mais on va comprendre très vite pourquoi. Avec vous, Bérangère Rodon, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Claire Somaglino, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que on imagine l'Égypte telle qu'elle nous a été apprise dans la géographie, centrée autour de son île, donc qui va du sud au nord, et que on imagine assez mal ce qui se passe autour quand on ne s'y intéresse pas comme vous deux. Et on s'aperçoit très vite qu'il y a des relations avec l'ensemble des territoires qui sont autour de cette Égypte, que ce soit le désert oriental du côté de la Libye, que ce soit la Nubie au sud, que ce soit la mer Rouge évidemment à l'est, et puis le désert occidental, pardon, du côté de la Libye, la mer Rouge à l'est, et puis ces peuples de Méditerranée au nord, dont les Phéniciens. C'est assez tardif ou c'est déjà très tôt, en l'occurrence, la relation avec cette mer Méditerranée ? Les relations des Égyptiens avec les pays qui entourent, les contrées qui entourent la vallée du Nil commencent très très tôt. Dès la préhistoire, les habitants de la vallée du Nil entretiennent des relations avec leurs voisins du sud, du nord. Donc l'Égypte n'a jamais été un vase clos. Oui, contrairement à ce que l'on voudrait parfois nous dire, ça n'est pas une île isolée au milieu du monde, d'une certaine façon. Et en particulier, une des questions à se poser, c'est de savoir, et vous avez travaillé là-dessus, Claire Somaglino, comment les Égyptiens appelaient eux-mêmes leur propre pays, comment ils appelaient les pays qui étaient aux alentours. Alors les Égyptiens ont donné plusieurs noms à leur pays, il n'y a pas un seul nom. Très souvent ils l'appellent le double pays, les deux terres, donc les deux rives, en accentuant cette dualité entre Haute et Basse Égypte. Et puis ils peuvent l'appeler aussi la terre noire, de la couleur du limon qui se dépose dans la vallée. Contrairement au rouge du désert. Contrairement au rouge du désert, parce que le désert est appelé la terre rouge. Donc on accentue aussi cette dualité entre désert et vallée cultivée. Donc, et puis un autre terme qui sera utilisé, plus tardivement, qui est Kemet, sur lequel vous avez travaillé en particulier dans votre thèse. Alors Kemet, c'est le terme égyptien pour la terre noire. À l'époque tardive, en revanche, dans les textes religieux, souvent, on trouve de nombreux, ce qu'on pourrait appeler des surnoms de l'Égypte, qui désignent des qualités de l'Égypte. Alors par exemple, à l'époque ptolémaïque, dans certaines épithètes de divinités dans des temples, l'Égypte est appelée le poste frontière ou la forteresse pour montrer... Et qui se dit comment en égyptien ? Alors qui se dit Rethem. Rethem. Qui se dit Rethem et qui effectivement désignait, c'est un terme qui désignait les postes frontières de l'Égypte pendant le Nouvel Empire. Mais ça veut dire aussi que le pays tout entier peut être considéré comme une sorte de forteresse, en l'occurrence, Claire Somaglino. Alors c'est ce que les savants qui ont... chercher à désigner l'Égypte par ce terme dans des textes religieux, voulait mettre en avant comme qualité du pays, justement. Rappeler cette époque où l'Égypte était puissante, où elle était protégée, où elle n'était pas à la merci des étrangers. Alors, ces postes frontières, vous les avez étudiés en particulier pour ce qui concerne le nord-est de l'Égypte actuelle, dans sa relation avec les pays voisins. On sait, on les a fouillés, on les connaît, on sait comment ils sont constitués, on sait depuis quand ils existent, ces postes frontières. Est-ce qu'au départ, il y a, disons, une circulation libre des marchandises ? Est-ce que progressivement, l'État tel qu'il s'instaure, la bureaucratie telle qu'elle existe et dont on parlait hier avec nos deux invités, eh bien, finit par considérer qu'il faut créer des postes frontières et pourquoi pas des douanes ? Alors, dès la constitution de l'État égyptien, celui-ci se constitue comme un État territorial, donc avec des frontières délimitées, des limites à la souveraineté du roi. Donc, dès l'Ancien Empire, on sait où sont les frontières égyptiennes, quasiment toujours au même endroit d'ailleurs pendant l'histoire égyptienne, c'est-à-dire aux principaux points d'entrée de la vallée du Nil. Donc au sud, la première cataracte du Nil, et au nord, surtout sur la façade nord-est du delta, qui est aisément accessible par deux points d'entrée principaux. Sur le reste du front oriental, ce sont beaucoup des marais, des zones peu accessibles. Donc les deux principaux points d'entrée sont des points qui sont surveillés dès l'Ancien Empire. Alors on a peu de traces des dispositifs mis en place aux périodes les plus anciennes. Mais pour le Nouvel Empire, on commence à mieux connaître ces dispositifs et notamment deux de ces postes frontières sont en cours de fouille sur le flanc est du delta. Et puis j'ai été surpris, mais je ne connaissais pas cela. J'ai découvert que, par exemple, pour qualifier ceux qui sont au nord-est de l'Égypte, on les appelle souvent les Asiatiques. Est-ce que c'est une expression qui est utilisée véritablement par les Phéniciens, par les Égyptiens, ou est-ce que c'est une façon d'aujourd'hui de parler de de ce territoire-là dans les textes antiques. Donc, on a déjà un qualificatif pour tous ceux qui se situent au nord-est de l'Égypte. Alors, il y a plusieurs termes qui désignent ces populations du nord-est. Certains termes sont assez généraux pour désigner l'ensemble des gens qui viennent de l'est ou du nord-est, notamment du couloir levantin. Et puis ensuite, les Égyptiens peuvent, suivant les textes, raffiner en les appelant par du nom du lieu d'où ils viennent, tout plus particulièrement sur la côte levantine. Oui, alors Bérangère Redon, il y a des opérations militaires, on en parlera à un moment ou à un autre de cette discussion, qui permettent de conquérir de nouveaux territoires, mais il y a dès l'origine des routes de commerce. Les connaît-on, ces routes de commerce, dès l'Ancien Empire, ou plutôt au milieu du deuxième millénaire, aux alentours du Nouvel Empire, là où on a plus de documentation pour pouvoir comprendre tout cela? Oui, alors, c'est clair qu'ils travaillent surtout sur le Nouvel Empire. Moi, je peux vous répondre pour les périodes tardives, mais les ancêtres, effectivement, existent déjà. Les routes commerciales, notamment du désert oriental, sont bien connues. Des routes qui permettent de traverser le désert qui se situe entre la vallée du Nil et la mer Rouge, et qui sont donc des routes qui existent depuis l'Ancien Empire. Clerc fouille au débouché d'une de ces routes à Ain Sourna. Effectivement, les routes sont pratiquées lors d'expéditions qui permettent d'aller chercher des produits intéressants pour l'État égyptien à l'extérieur. Et à l'époque ptolémaïque, donc à l'époque tardive dont je m'occupe, les routes sont équipées, c'est-à-dire que de manière pérenne, une occupation voit le jour dans le désert oriental avec la construction de fortins qui, d'une certaine manière, pétrifient ces routes et les rendent beaucoup plus praticables et beaucoup plus sûres. Qu'est-ce qu'on va chercher comme matériaux? On en a déjà un peu parlé lundi avec Damien Guth. On va chercher du bois qu'on ne trouve pas, enfin du bois de construction en l'occurrence, parce qu'on peut avec les bois sur place faire des petites choses, mais on ne peut pas faire de la construction. On va chercher du cuivre, on va chercher de l'or. Qu'est-ce qu'on va chercher exactement, Claire Somaglino? Alors, les Égyptiens ont cherché tout ce qui manque, finalement, dans la vallée et les déserts qui les entourent. Donc, ils vont chercher du bois, notamment du cèdre et du pin du Liban. Là aussi, dès les premières dynasties égyptiennes, ils se rendent sur la côte libanaise pour aller chercher ce bois. Ils vont chercher du cuivre, un peu plus tard de l'étain, donc pour fabriquer du bronze, de l'argent, de l'encens, un certain nombre de produits luxueux comme du vin, certaines huiles, des tissus. Et puis, ils vont chercher aussi de la main-d'œuvre, hein, parce qu'il y a un besoin chronique de main-d'œuvre, notamment sur les grands chantiers égyptiens, pour l'agriculture, pour mettre en valeur le pays. Donc, régulièrement, ils ramènent énormément de prisonniers de guerre. Alors, ce qui était étrange également, c'est que quand on travaille sur des géographies anciennes, on sait très bien qu'il y a des difficultés à qualifier tel ou tel lieu, parce que le nom qu'apportait ce lieu n'est plus le même aujourd'hui. Vous vous trouvez confronté à ces questions de toponymie, Claire Somaglino. Mmh. Donc, il faut traduire d'une certaine façon ce qu'il y avait dans la tête des Égyptiens, que ce soit à l'ancienne, au Moyen ou au Nouvel Empire, pour, sous le nom de tel ou tel lieu, essayer de comprendre de quoi on parle, d'autant que souvent les noms changent, les noms de lieux changent tout au long de cette très longue période de plus de 3000 ans. Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, cela ne va pas s'en poser problème, puisque certains toponymes, nous n'arrivons pas à les placer sur une carte, encore aujourd'hui. Le plus connu, c'est le pays de Punt. Oui, c'est le fameux pays de Punt qui... Fameux pour tous les Égyptiens, pour nos auditeurs peut-être pas. Alors, tout à fait. C'était quoi le pays de Punt, justement? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on allait y faire si on était égyptien? Alors, les Égyptiens s'y rendent dès l'Ancien Empire. Les premières traces écrites d'expédition vers le pays de Punt sont sous le règne de Saouré à la 5e dynastie. On est vers 2450 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens vont y chercher de l'encens. Le produit phare de Punt, c'est l'encens, les arbres à encens, encens, myrrhe, qui sont nécessaires au culte pour les Égyptiens. Mais ils vont y chercher aussi d'autres produits exotiques, comme des bois précieux, des peaux d'animaux, de l'électrum, etc. Donc ils s'y rendent. Ce sont des expéditions un petit peu exceptionnelles. On en connaît plusieurs à l'Ancien Empire, on en connaît plusieurs au Moyen Empire ou au Nouvel Empire. Et c'est sans doute au sud de la mer Rouge. Donc le grand débat a toujours été, est-ce que le pays de Punt est au sud de la péninsule arabique ou du côté africain? Je pense que raisonnablement, on peut proposer que le pays de Punt est des deux côtés et que suivant les époques, il se rendait d'un côté ou de l'autre du détroit qui ferme le sud de la mer Rouge. Et pour y aller, il faut parfois des bateaux, en l'occurrence, Bérangère Redon, mais il faut aussi des véhicules terrestres. Et c'est là où j'ai découvert en vous lisant les unes et les autres, qu'il y avait la domestication de certains animaux. L'âne est présent depuis le début dans cette Égypte antique, mais en revanche, il y a des nouvelles formes de transport qui naissent entre le premier, le deuxième et le premier millénaire. Tout à fait. Alors moi, je peux parler du chameau, qui est effectivement l'animal qui pourtant est un animal que l'on associe tout de suite à l'Égypte dans l'esprit des gens, et puis qui en réalité arrive très tardivement dans l'histoire du pays, au premier millénaire avant notre ère. Alors, on n'arrive pas à placer tout à fait la date d'introduction de l'animal, mais c'est à peu près au milieu du premier millénaire avant notre ère, peut-être à l'époque perse. Et c'est un animal qui va révolutionner, en effet, le transport dans le désert oriental égyptien. Et pas seulement, mais en particulier dans le désert oriental égyptien. Il existe déjà dans la péninsule arabique à ce moment-là. Voilà, tout donc à fait. Donc, il faut un long temps avant, mettons, le premier millénaire. Il existe dans le désert arabique. Il permet d'ailleurs de faire remonter les marchandises depuis le sud de la péninsule arabique jusqu'à la Judée ou jusqu'au Levant. Tout à fait. Mais il mettra un certain temps à venir en Égypte, sur le territoire égyptien. Et on a l'impression, d'après des sources que l'on a trouvées dans les fortins que l'on fouille dans le désert oriental, en particulier à Bir Samut, donc un des fortins qu'on a fouillé ces dernières années et qui est occupé au 3e siècle avant Jésus-Christ, des sources textuelles mentionnent systématiquement ou assez souvent en relation avec ces dromadaires, des Arabes, et en particulier des Arabes qui sont qualifiés d'Arabes du désert. Donc on se demande si les chameaux, les dromadaires, ne sont pas arrivés avec les populations à l'occasion d'une migration de population depuis la péninsule arabique jusque dans le désert oriental. Et auparavant, il y avait les chevaux. Ces chevaux, ils sont représentés sur des gravures, sur des murs de mausolées, par exemple, pour des pharaons les conquérants qui sont sur leur char en particulier. Mais le cheval, lui, il arrive donc d'abord pour être donc attelé, et puis ensuite il deviendra, mais plus tardivement encore, visiblement, un élément de la logistique militaire avec des cavaliers qui ne sont pas forcément d'ailleurs des Égyptiens, en l'occurrence Claire Somaglino. Alors, le cheval arrive en Égypte par l'intermédiaire du Levant au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Aux alentours de 1500, quoi. Aux alentours de 1600, 1500. Et il devient rapidement un élément essentiel de l'armée égyptienne. Ce qui explique d'ailleurs certaines de ses conquêtes, parce qu'il a une sorte de supériorité à ce moment-là. Avec le char, puisque ce sont des chars à deux roues tirés par des chevaux. Et la charrie égyptienne se constitue donc à partir du début du Nouvel Empire et est essentielle pour comprendre les conquêtes égyptiennes de cette époque, effectivement. Mais ça n'est que plus tard qu'on composera donc une véritable cavalerie avec des cavaliers qui sont sur le cheval. Et pour cela, on va aller chercher, et c'est d'ailleurs une des questions qu'on peut poser, on va aller chercher des personnes qui maîtrisent justement cet art de la cavalerie, alors que les Égyptiens ne l'ont pas, Bérengère Redon. Oui, alors c'est compliqué. Et effectivement, les sources sont assez floues à ce propos. Donc c'est envisagé, mais sans assurance. Et puis, il y a quelque chose de très important, puisque je voulais venir sur ce point-là. C'est le moment où l'Empire égyptien, Nouvel Empire, et ensuite, évidemment, beaucoup plus tard, va se matiner de toutes ces influences, de toutes ces routes commerciales, de l'arrivée de nouveaux venus, qui vont être progressivement intégrée. Et c'est vrai que cette armée égyptienne, je ne sais pas à quel moment, on sait qu'elle a été donc à la fois dirigée par des généraux égyptiens qu'on appelait chef des étrangers parfois, ou encore bouche de sa majesté au milieu des Asiatiques, et que ces généraux dirigeaient des troupes étrangères, des sortes de légions étrangères, qui étaient composées de qui d'ailleurs, Claire Somaglino? Alors, il y a une véritable armée permanente en Égypte à partir du début du Nouvel Empire uniquement. Et rapidement, les prisonniers de guerre, certains des prisonniers de guerre ramenés peuvent être intégrés à l'armée égyptienne. Mais on connaît dès les périodes antérieures l'intégration de mercenaires nubiens, par exemple, ponctuellement lors de campagnes militaires. Mais au fur et à mesure des campagnes, notamment des éléments ce qu'on appelle plus tard les peuples de la mer, comme les Chardanes, peuvent être intégrés à l'armée égyptienne. Les voir présentés dans les armées de Ramsès II, par exemple. Et puis, on sait, Bérengère Redon, que des Grecs, par exemple, vont progressivement, et c'est plutôt votre période, puisque vous êtes spécialiste de la période du 7e siècle avant notre ère, jusqu'à notre ère, eh bien, que ces Grecs vont être présents, qu'il y a des Cariotes. Alors, les Cariotes, c'est la Carie, c'est le sud-ouest de l'Anatolie actuelle. Il y a des Grecs, donc, qui sont présents. Il y a peut-être des Chypriotes, et peut-être aussi des Juifs, des Phéniciens. Romains qui participent à justement à un commerce, mais pas simplement au commerce, parfois à la guerre, aux côtés des Égyptiens. Tout à fait. À partir du 7e siècle, à partir du milieu du 7e siècle avant notre ère, à l'époque saïte, à l'époque des pharaons saïtes, des mercenaires vont être employés de manière très courante dans les armées égyptiennes, jusqu'à composer une vaste partie des troupes des pharaons, en particulier Psamétic Ier ou encore Amasis, et vont venir donc sur le territoire, ce que l'on appelle au départ des Ioniens et des Cariens, donc c'est les fameux hommes de bronze d'Hérodote, donc qui avaient revêtus d'une cuirasse de bronze, sont arrivés au milieu du 7e siècle avant notre ère et qui vont participer à tous les combats de ce qu'on appelle l'époque saïte et de la basse époque. Claire Somaglino, justement, sur ce mélange, au départ, vous l'avez dit très vite, des Libyens, peut-être des Nubiens qui participent à la vie quotidienne, pourrait-on dire, de l'Égypte ancienne dans les périodes les plus anciennes. Mmh. Et puis ensuite, progressivement, au fur et à mesure que les routes commerciales, que l'ouverture, la nécessité d'avoir des relations avec ses voisins deviennent de plus en plus importantes, et bien on intègre de plus en plus de personnes dans cette Égypte qui est beaucoup plus multiculturelle qu'on ne peut l'imaginer généralement. Oui, puisque dès l'Ancien Empire, par exemple, un roi comme Snéfrou dit qu'il revient de Nubie avec 7000 prisonniers hommes et femmes. Donc ces populations sont employées notamment dans les champs, pour l'agriculture, pour les grands travaux. Le problème, c'est que très rapidement, on perd leurs traces dans la documentation. Donc ils sont égyptianisés. Alors, soit eux-mêmes, soit leurs enfants ont des noms égyptiens. Donc il devient impossible de les repérer dans la documentation assez rapidement. C'est la même chose que pour ceux que Jean Yoyotte appelait les Grecs égyptiotes, en l'occurrence, oui. Bérengère Redon. Oui, au premier millénaire, on a ce phénomène, en effet, d'intégration de Grecs ou de Cariens à l'Égypte, des Grecs qui vont rester sur le territoire et s'installer, et parfois se marier. Donc on a le phénomène des mariages mixtes qui est attesté, et qui vont créer des communautés, par exemple les Hellénomamphites, donc des Grecs installés à Memphis, et que l'on retrouve jusque à la veille de la conquête d'Alexandre. Et certains, d'ailleurs, vont même donner le nom du pharaon à leurs propres enfants, qui, d'une certaine façon, ce qui va accentuer la difficulté pour l'historien ou pour l'historienne de comprendre, de les reconnaître. Ils pouvaient s'appeler Psamétique pour certains, par exemple, du nom du pharaon Psamétique Ier ou Psamétique II. Le groupe Lyravlos qui tente de rejouer de la musique de la Grèce antique sur des instruments de leur fabrication, ça ressemble quand même beaucoup à une musique grecque contemporaine que je connais, mais c'est tout à fait valeureux de tenter justement de recomposer des musiques antiques. Nous sommes dans une émission de la Fabrique de l'Histoire consacrée donc comme toute la semaine à l'Égypte ancienne, et nous sommes avec vous donc Claire Somaglino et Bérengère Redon pour évoquer la question des relations de cette Égypte antique avec ses voisins, donc des relations complexe qui, d'une certaine façon, dont la recherche récente permet de mieux les comprendre, de sortir des clichés, Claire Somaglino, que l'on pouvait avoir, justement ce cliché qu'on a déjà donné au tout début de cette émission, à savoir ce cliché d'une sorte d'île égyptienne séparée de ses voisins. Or, ce que vos travaux de fouilles et de recherche montrent, c'est que au contraire, c'était des relations permanentes. Alors, on ne sait pas jusqu'où ça va. On ne sait pas si, par exemple, les Égyptiens avaient un rapport direct avec l'Inde, par exemple, par l'intermédiaire de l'océan Indien. Et on pense que ça n'est peut-être pas le cas, à moins que des Indiens viennent sur le territoire égyptien, ce qu'on ne sait pas du tout. Alors, on n'a pas du tout de traces de relations directes avec le monde indien avant le premier millénaire, ça c'est certain. Hein. Donc les Égyptiens au sud vont jusqu'au Nouvel Empire à un point entre les 4e et 5e cataractes du Nil, et puis jusqu'au sud de la mer Rouge. Quant au nord-est, ils ont été jusqu'à l'Euphrate, hein, notamment les rois Thoutmôsis Ier, Thoutmôsis III, avec leur armée, se rendent jusqu'à l'Euphrate. Ils ont des relations aussi avec le monde égéen, au Nouvel Empire, même avant déjà, mais peut-être plus direct pendant le Nouvel Empire. Oui, et puis justement, avec ce monde égéen qui est un peu votre spécialité, Bérangère Redon, on va chercher des alliés, parce que évidemment, à la période de l'Ancien Empire ou du Moyen Empire, bon, on voit qu'il n'y a pas de puissance très forte aux alentours, mais à partir du Nouvel Empire, là, il y a des puissances fortes, les Hittites, les royaumes d'Assur ou d'autres, ou les Perses plus tard, et évidemment, il faut se trouver des alliés pour pouvoir éviter d'être envahi soi-même, ce qui sera le cas à plusieurs reprises, d'être sous la coupe d'étrangers. Et tout cela, c'est ce que vont faire les pharaons avec ce monde égéen en particulier. Tout à fait. Alors, les relations avec le monde égéen et en particulier avec les puissances mycéniennes, minoennes, sont bien connues au Nouvel Empire en particulier. Il y a des relations commerciales, des relations d'amitié aussi, qu'on voit bien dans les tablettes d'Amarna. Ces relations qui vont un peu s'éteindre au début du premier millénaire, vont totalement renaître à partir du 7e siècle avant notre ère, encore une fois, à cette époque saïte, et exploser véritablement. Le monde grec et le monde égyptien vont être intimement liés durant toute cette basse époque, et les Grecs et les Égyptiens vont combattre parfois ensemble contre les Perses, parfois en étant dans des camps opposés, enfin tout ça est très compliqué, mais en effet, les relations sont complètement... les liens sont très forts entre Égypte et Méditerranée à cette époque. Et ça va d'ailleurs jusqu'à ce que un pharaon, Amasis, puisse payer pour la rénovation du sanctuaire d'Apollon à Delphes, ce dont on a la preuve, et on se dit, mais là, il y a vraiment quelque chose de marchand, un échange de bons procédés pour pouvoir se gagner des alliés, d'une certaine façon. Tout à fait, c'est à la fois commercial, économique, et en même temps diplomatique. Au 6e siècle avant notre ère. Au 6e siècle avant notre ère, donc des relations diplomatiques qui démarrent au 7e siècle avant, et puis surtout qui sont très intenses au 6e siècle avant notre ère, des ambassades du roi Amasis, par exemple, qui sont envoyées à Cyrène, à Samos, à Sparte. On connaît aussi le don de la cuirasse de Nekao II, un roi saïte également, qu'il fait au temple de Dîme, donc en Grèce. Donc tout ça fait partie d'échanges, de contre-échanges, de contre-dons pour entretenir de bonnes relations avec les voisins. Qu'en est-il avec les Phéniciens, par exemple, Claire Somaglino? On sait qu'ils sont spécialistes de navigation. On sait que d'ailleurs, une partie, une grande partie du bois de construction des navires égyptiens vient de l'actuel Liban. On va passer des accords là aussi, on va se trouver parfois en conflit, on va avoir aussi une marine qui pourra être dirigée par des amiraux grecs ou des amiraux phéniciens un peu plus tard. Enfin, il y a des relations avec cet espace géographique. Alors, ce qu'on appelle les Phéniciens apparaissent dans le courant du premier millénaire, donc c'est un petit peu plus tardif, mais les relations avec Byblos, par exemple, sont connues dès la deuxième dynastie égyptienne, donc dès les origines. Dès l'Ancien Empire, dès avant même la naissance de l'Ancien Empire. Donc ils vont dans cette région se procurer du cèdre, notamment pour la construction de bateaux. Les Égyptiens développent la construction de bateaux très tôt aussi. Alors, pas seulement pour le Nil, on a souvent dit qu'ils naviguaient uniquement sur le Nil. En réalité, ce sont aussi de très bons marins, très tôt, puisque les travaux menés notamment en mer Rouge par Pierre Thallet depuis une vingtaine d'années et par d'autres collègues montrent que les Égyptiens, dès le début de l'Ancien Empire, sont capables de construire des navires pour se rendre notamment au Sinaï. Et puis, vous travaillez maintenant sur la fouille d'Aïn Sourna, qui était d'ailleurs auparavant co-dirigée ou dirigée par Pierre Thallet, dont vous venez de parler, Claire Somaglino. Qu'est-ce qu'on trouve sur une fouille comme celle-ci, sur la mer Rouge, avec la possibilité justement de trouver un matériel de fouille qui vous permet d'interpréter les routes commerciales, les relations avec les voisins, etc. Alors, dès l'Ancien Empire, les Égyptiens développent en mer Rouge un système de ports intermittents. D'abord à la 4e dynastie sur le site de Wadi El-Jarf et puis ensuite le site d'Aïn Sourna. C'est-à-dire que ce sont des ports qui ne sont pas occupés en permanence, mais simplement le temps d'une expédition et qui servent de plateforme logistique à cette occasion. Donc les Égyptiens partent de la vallée à pied et puis avec des ânes pour transporter du matériel. Ils construisent les bateaux dans la vallée, les transportent démontés jusque sur le bord de la mer Rouge. Et là, ils ont aménagé ces sites où ils creusent des galeries dans la montagne qui borde la mer pour stocker le matériel entre différentes expéditions. Et essentiellement, ils se rendent au Sinaï à partir de ces sites. Parce que le Sinaï a une importance particulière, oui. en raison d'un matériau qu'on y trouve et qu'on ne trouve pas sur le territoire égyptien soi-même. Tout à fait. Le sud Sinaï est une zone qui comprend de la turquoise utilisée en bijouterie et du cuivre qui est nécessaire à la fabrication d'outils. Donc les Égyptiens s'y rendent. Les premières traces égyptiennes au Sinaï pour l'exploitation de ces matériaux remontent à la dynastie Zéro. Donc vraiment à la toute naissance de la monarchie égyptienne. Et puis elles se formalisent et elles sont plus intenses par la suite. Donc les Égyptiens s'y rendent tout à fait régulièrement. Et sur un site comme Aïn Sourna, par exemple, outre ces galeries, on trouve de l'habitat pour le personnel de ces expéditions, du stockage, mais aussi pour le Moyen-Empire, par exemple, des ateliers de traitement du cuivre avec des fours de réduction pour traiter le cuivre. Et dans deux des galeries d'Aïn Sourna, nous avons eu la bonne surprise de retrouver les vestiges carbonisés de deux bateaux démontés, deux de ces bateaux qui servaient justement à traverser la mer Rouge, le golfe de Suez, pour se rendre dans le sud du Sinaï. Ce qui veut dire, effectivement, c'est une preuve matérielle, pourrait-on dire, de ce goût et de cette possibilité qu'avaient les Égyptiens de passer la mer pour pouvoir aller de l'autre côté, du côté de la péninsule arabique, alors qu'on les avait toujours là aussi cantonnés dans un territoire terrestre et que la seule navigation qu'on pouvait imaginer, c'était la navigation sur le Nil, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Alors, ils naviguent aussi, sans doute, en Méditerranée, notamment pour se rendre au Liban, mais aussi en mer Rouge, donc pour se rendre au Sinaï, et puis vers le sud de la mer Rouge, vers ce pays de Punt que l'on évoquait tout à l'heure. Et pour les fortins plus tardifs sur lesquels vous travaillez, Bérangère Redon, le matériel de fouille nous permet de comprendre quoi, justement, de ces relations commerciales au 7e, 6e ou 5e siècle, ou un peu plus tard encore à l'époque ptolémaïque, donc juste avant notre ère. Oui. Alors oui, les fortins datent de environ 300, enfin entre 4... fin du 4e siècle avant notre ère et puis jusqu'à la fin du 3e siècle avant notre ère. Alors, ils nous apprennent rien du commerce ou à peu près. Malheureusement, on y apprend beaucoup de choses sur la vie quotidienne des gens qui vivent dans ces fortins, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient, etc. Mais c'est vrai que le grand commerce, entre la vallée du Nil, la mer Rouge et puis plus loin les mondes africains arabes apparaît très peu. Mais on a parfois la bonne surprise de découvrir quelques objets tombés des caravanes qui remontaient vers le Nil. Et par exemple, alors c'est plus tardif, c'est pour l'époque romaine, mais on a trouvé par exemple un grain de riz dans un fortin, donc qui vient du monde indien assurément, un fragment de noix de coco également, donc qui vient certainement aussi d'Inde, dans le fortin de Xéron. Voilà. Et c'est surtout à Bérénice, qui est le grand port fondé par les Ptolémées et puis qui sera très dynamique à l'époque romaine, où là on a beaucoup de matériel qui provient de ces mondes arabes, indiens, africains. À partir de quand ces Égyptiens, ces souverains égyptiens en particulier, voient-ils qu'une partie du territoire est difficile, que ce double pays est difficile à maintenir ensemble, et font un choix délibéré de regarder, par exemple, vers le nord? C'est ce qu'on croit comprendre en vous lisant et en lisant d'autres égyptologues. Est-ce que ce choix, qu'on a appelé plus tard le choix de la Méditerranée, est un choix délibéré? Est-ce que c'est par défaut parce que on ne peut plus maintenir les provinces du sud? Claire Somaglino, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, pour l'ancien moyen nouvel empire, il n'y a pas visiblement de problème à maintenir le double pays. On note au nouvel empire quand même une orientation de plus en plus forte vers la Méditerranée orientale, parce que finalement le problème entre guillemets nubien a été réglé, c'est-à-dire que la puissance forte du début du nouvel empire en Nubie, le royaume de Kerma, l'actuel Soudan. Le royaume de Kerma qui avait gêné l'Égypte pendant la deuxième période intermédiaire a été éliminé par les Égyptiens et maîtrisé. Donc, à part quelques rébellions régulières, il n'y a pas vraiment de problème à maîtriser cet espace soudanais. En revanche, les grands empires qui se développent dans le monde méditerranéen oriental, Mésopotamie, Anatolie, etc., eux constituent un danger potentiel pour les Égyptiens parce qu'ils dérangent essentiellement les intérêts économiques des Égyptiens. Tous se battent pour maîtriser le carrefour commercial qu'est le Levant à cette époque. Voilà. Donc, il y a une réorientation certaine de l'empire vers la Méditerranée, notamment à l'époque ramesside. Oui, et Bérangère Redon, vous connaissez ça évidemment à votre période. Là, on est en plein dans ce moment où ce carrefour levantin, pourrait-on dire, est un carrefour essentiel pour l'Égypte antique. Tout à fait. Le premier millénaire est vraiment un millénaire pendant lequel l'Égypte est tournée vers la Méditerranée, Méditerranée orientale, monde levantin, mais aussi monde grec. Et les fouilles que l'on a faites à Plaintine depuis quelques années. Plaintine, c'est donc sur le bord de la Méditerranée. Voilà, au bord de la mer Méditerranée, à 40 km à peu près à l'ouest de ce qui sera ensuite Alexandrie. Donc la fouille de ce petit village a révélé une occupation pharaonique qui était complètement inconnue jusqu'à il y a peu. La ville remonte à peu près au Nouvel Empire, a été fondée au Nouvel Empire. Et à l'époque saïte, la ville est extrêmement dynamique et tournée vers la Méditerranée. Dans l'époque saïte, c'est à partir du 7e siècle. Oui, voilà, c'est toujours ce 7e siècle, 6e siècle avant notre ère. Les pharaons ont besoin de mercenaires et s'ouvrent à la Méditerranée aussi pour se procurer de l'argent, en particulier pour payer les mercenaires. Et les relations commerciales sont très intenses, au point que dans les assemblages céramiques que l'on met au jour à Plaintine depuis quelques années, près de la moitié de la céramique est importée du monde grec, du monde phénicien, du monde chypriote. Et ce monde grec, il va jusqu'à créer des villes. Enfin, la ville n'est pas créée par les Grecs eux-mêmes, mais la ville de Naucratis, justement, qui se situe dans ce delta, est inventée pour les Grecs. Et d'ailleurs, en liaison avec 9 cités grecques de ce monde égéen. Et cette ville dont on ne sait pas très bien quel est son statut, est-ce que ça n'est pas une colonie grecque, ça c'est sûr, mais c'est autre chose. En tout cas, le pharaon veut faire plaisir à ces Grecs avec lesquels il commerce et il débat en permanence pour pouvoir leur installer leur propre ville. Mais on le disait, à Memphis, il y a un quartier Hellène, etc. Donc il y a véritablement une installation pérenne de ces rapports commerciaux et politiques. Tout à fait. Psamétique Ier a, donc au milieu du 7e siècle avant notre ère, ouvert l'Égypte et accueilli des mercenaires. Et puis, c'est sous Amasis, d'après Hérodote, que des Grecs se voient offrir une ville, Naucratis, qui en réalité, et Jean Yoyotte l'a bien montré, est une ville égyptienne qui a une histoire plus ancienne. Mais cette ville de Naucratis va accueillir des commerçants venus de 9 cités du monde de l'Asie mineure en particulier, du monde grec, qui vont pouvoir y faire des échanges. Simplement, le texte d'Hérodote a été maintes fois commenté et a été parfois sur-commenté, enfin sur-interprété. En réalité, et ça c'est l'archéologie qui le montre bien, les Grecs certes ont été installés à Naucratis, mais aussi bien ailleurs, et il faut certainement revoir cette vision d'un monopole de Naucratis, où Naucratis serait la seule place de commerce entre Grecs et Égyptiens sur le territoire. En réalité, évidemment, les produits circulent beaucoup plus, mais aussi les hommes. Et dans tout le delta, mais aussi en Haute-Égypte, on a certainement des communautés de Grecs, de Phéniciens, de Chypriotes, encore une fois, qui circulaient et commerçaient. Et cela a aussi une importance, Claire Somaglino, dans cette période du premier millénaire, dans la relation et même les grands travaux que l'on va envisager pour pouvoir relier ce bassin méditerranéen à la mer Rouge. On va créer un canal dont on ne connaît pas encore tout à fait le tracé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Enfin, on a peut-être quelques petites idées qui permettront de rejoindre le delta du Nil à la mer Rouge, un canal qui ne serait pas l'équivalent du canal de Suez actuel, mais un peu différent. Néanmoins, traduisant physiquement, pourrait-on dire, dans la géographie, cette nouvelle orientation, cette volonté de relier ces mondes. Oui, ce canal semble avoir été créé durant le premier millénaire. On dit que c'est une idée de Nekao II, je crois, mais qui était mise en œuvre plutôt par les Perses. Hein. Par Darius. Et puis repris ensuite sous la 30e dynastie, donc juste avant la conquête d'Alexandre. Donc au 4e siècle. Au 4e siècle avant notre ère, voilà. Et repris ensuite par Ptolémée II, qui s'inscrira dans cette lignée. Et cela, c'est important que justement imaginer ces grands travaux, et pas simplement pour beaucoup plus tôt construire les pyramides que nous connaissons, mais ces grands travaux qui sont des travaux qui marquent des nouvelles façons d'envisager le territoire, sinon le paysage, Bérangère Odon. Oui, tout à fait. C'est vraiment une manière de faire circuler les hommes, les biens, et entre le monde méditerranéen, l'Égypte entre deux, et puis la Mer Rouge. Et les communications vont être simplifiées. Par le creusement de ce canal. Cela dit, le fait que le canal doivent être recreusés à trois reprises en deux siècles montre bien qu'il était certainement un petit peu compliqué à naviguer et à entretenir surtout, et il est certainement abandonné après coup. Ce qui est fort intéressant, c'est que en vous lisant Claire Semaglino, j'ai découvert que la question du paysage, j'ai cité ce mot, est difficilement envisageable, même d'après vous et d'après les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur ce sujet, pour cet espace égyptien antique, la connaissance de... Est-ce que le paysage existe même ? On sait que des historiens de l'époque moderne en Europe occidentale ont travaillé justement sur cette question de la naissance du paysage. C'est un peu la même chose pour ce qui est de l'Égypte antique. Même si on a des gravures, même si on a des peintures dans les tombes et dans les temples, on s'aperçoit que cette question du paysage n'est pas envisageable. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cela ? Alors tout dépend aussi aujourd'hui ce que l'on met sous la définition paysage. Vous savez qu'il y a une définition assez restreinte et une définition beaucoup plus large, même en géographie, de cette notion de paysage. Il n'y a pas de représentation paysagère au sens où on l'entend actuellement dans l'art égyptien. Mais peut-être faut-il... Il n'y a pas le côté paysage italien de la Renaissance, ça n'existe pas. Absolument pas. En revanche, peut-être envisage-t-on ces représentations égyptiennes avec un œil et des définitions beaucoup trop modernes, enfin beaucoup trop contemporaines et occidentales contemporaines. Il y a des représentations du milieu égyptien, notamment dans les tombes de l'Ancien Empire, où l'on a des scènes assez stéréotypées de les champs, les marais. Les marais sont toujours à peu près représentés de la même manière. Toujours à peu près de la même manière, les champs également aussi. Donc, l'élément végétal, aquatique, etc., n'est pas forcément représenté. Il peut être représenté par un sol irrégulier pour le désert, un fourré de papyrus pour les marais, pas beaucoup plus. Mais pour les Égyptiens, sans doute, représenter le paysage, c'est représenter un paysage occupé et représenter les activités qui s'y déroulent. Donc, représenter la vallée, c'est représenter les champs cultivés. Représenter les marais, c'est représenter la chasse, la pêche dans les marais. Comme dans les livres d'heures de la fin du Moyen-Âge, où on représente effectivement les activités des hommes et des femmes dans un paysage donné pour représenter les saisons qui recouvrent ces mois des livres d'heures. Est-ce qu'il y a des cartes en Égypte antique? Je crois qu'il n'y en a qu'une qu'on a retrouvée. On en connaît une qui date de l'époque ramesside, qui date du Nouvel Empire, qui est un itinéraire pour se rendre vers les carrières de Groa, qui est cette pierre schisteuse gris-verte, et les mines d'or du désert oriental au niveau du Wadi Hammamat. Et là, l'intérêt est économique. Cette carte a un intérêt économique, c'est-à-dire qu'on se doit de se retrouver dans ce désert pour atteindre les mines et les carrières et aller l'exploiter. En effet, c'est un document exceptionnel. On a certains historiens qui se piquent de géographie aujourd'hui, pour des périodes qui sont des périodes de notre ère, en l'occurrence, s'intéressent aux représentations mentales du paysage, c'est-à-dire à la façon dont, si on ne fait pas de carte, on peut s'orienter. Sait-on comment on s'oriente justement dans cette géographie de l'Égypte antique? Sait-on s'il y a un nord, s'il y a un sud, etc. Claire Semaglino. Oui, il y a un nord, un sud, un est, un ouest. Et les Égyptiens s'orientent par rapport au sud, contrairement à ce que l'on fait actuellement, puisque le Nil vient du sud. Voilà, donc un certain nombre de monuments sont orientés très précisément par rapport aux directions cardinales et elles sont souvent mentionnées dans les textes. Et on peut dire aussi l'orientation, la géographie par les mots, quand on n'a pas de carte. Qu'est-ce que l'on sait de cela, justement, quand on raconte un itinéraire, par exemple, on peut là aussi imaginer que l'on s'oriente géographiquement, même si on n'a pas de carte précise, Claire Somaglino. Oui, alors, cette géographie est très présente dans les contes, notamment, on pensera au conte de Sinoué, où le héros du conte au Moyen-Empire part vers le Levant, justement, et mentionne toute une série de sites le long des marges égyptiennes. Il y a aussi de nombreuses listes de toponymes, notamment ce qu'on appelle les onomastica au Moyen, au Nouvel Empire, qui sont des listes de choses, mais aussi de lieux, qui montrent ce savoir géographique égyptien. Tant pour des mots pour les différentes réalités du paysage que des toponymes pour désigner différents lieux. On trouve aussi dans les temples égyptiens du Nouvel Empire, par exemple, des listes de pays étrangers qui sont représentées dans des cartouches, une sorte de cartouche fortifiée, sous les pieds du roi, où on voit cette connaissance du monde qu'ont les Égyptiens. Et dans votre période, c'est-à-dire à partir du 7e siècle, vous voyez la même chose, Bérengère Odon ? C'est plus compliqué. Alors, les sources sont très peu descriptives, mais sur le terrain, encore une fois, pour revenir à l'archéologie et dans le désert oriental un peu plus tardivement, nous, on a des sources, donc des petits textes retrouvés sur des ostracas, donc des tessons de poterie sur lesquels les personnes qui habitaient dans ces fortins écrivaient, et en particulier des bons d'eau. On distribuait de l'eau aux personnes qui passaient sur ces routes, et on voit apparaître, à l'occasion d'une expédition qui partait vers la mer Rouge à la recherche d'éléphants, apparaître des guides. Donc on a dans ces expéditions des guides qui avaient une connaissance du désert et qui certainement étaient des locaux, peut-être des populations nomades, semi-nomades de ces déserts, et qui partaient avec les expéditions là de soldats, pour le coup ptolémaïques, à la recherche d'éléphants. Oui, c'est le travail qu'a mené pour l'époque médiévale quelqu'un comme Zrinka Stajnjak, qui a travaillé sur les fixeurs à l'époque médiévale. Oui. Essayer de comprendre qui sont ceux qui vous permettent d'aller dans un autre endroit, quel accord l'on peut passer avec eux, peut-on leur faire confiance, voilà. Ce sont des questions très importantes qui ont été développées lors d'une série de 4 conférences qu'on peut trouver sur le site du Collège de France. On a les mêmes types de rapports pour les périodes qui vous intéressent. On sait qu'il y a des gens qui gardent la douane, je crois qu'on les appelle les préposés à la porte des pays étrangers, en l'occurrence, Claire Somaglino, mais au-delà de la douane, comme dans le désert des Tartares, il faut savoir si on peut aller plus loin, si on risque sa vie, tout cela, on a une connaissance de ça, de ceux qui servent d'intermédiaires, de passeurs entre deux mondes. Alors, on a quelques connaissances. On sait qu'ils avaient des guides dans le désert, justement, parmi les populations locales. On sait que aussi un certain nombre de populations du désert, comme les Medjay au niveau de la Nubie, pouvaient servir de police du désert pour les Égyptiens. Donc, collaborer avec les Égyptiens. Comme une sorte de zone tampon. Qui permettent de garder les portes justement et d'éviter qu'on ne soit envahi. Alors, pas vraiment de zone tampon, mais par exemple au Moyen-Empire, à ce moment où l'Égypte a conquis les territoires qui sont entre la première et la deuxième cataracte du Nil, ils surveillent les déserts qui sont aux alentours de cette zone et ils utilisent notamment cette population locale appelée Medjay, qui a une spécialité de parcourir les déserts. Donc. Et puis effectivement, quand on raconte ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, Claire Somaglino et Bérengère Odon, à savoir que ce monde n'est pas un monde fermé, on a dans son propre monde des gens qui viennent d'ailleurs, Bérengère Odon, et ces gens-là sont les meilleurs informateurs pour pouvoir savoir si les routes sont sûres, si on peut s'y rendre, etc. Oui, oui, tout à fait. Il y a ce qu'on a appelé des voyageurs ou des touristes de l'Antiquité. Au premier millénaire avant notre ère, on les connaît bien puisque souvent ils laissent même des graffitis avec leur nom, en particulier dans la vallée Thébaine. Ils vont visiter des grands monuments comme le font les touristes. Le graffiti naît bien avant ce qu'on peut imaginer. Oui, oui, on en a, en tout cas nous, au premier millénaire, mais bien avant déjà, et donc des touristes qui disent j'étais ici, un tel était ici, et qui laissent leur nom sur des monuments anciens, les colosses de même nom, ou encore les statues d'Abou Simbel, par exemple, des mercenaires grecs vont laisser leur nom très fièrement sur les jambes des statues de Ramsès II. Voilà, donc des touristes de l'Antiquité. Oui, Claire Somaglino, par exemple, quand on veut aller du côté du désert oriental, des oasis du désert oriental, il faut aussi pouvoir traverser le désert, savoir où se situent ces oasis, mais d'une certaine façon, étant donné le nombre de Libyens qui, à un moment ou à un autre, sont venus chez vous, c'est peut-être plus simple en l'occurrence. Alors, les oasis aussi sont connues par les Égyptiens, notamment l'oasis de Darla, dès l'Ancien Empire, ils s'y rendent. Il y a des routes qui sont bien connues, hein, qui sont bien maîtrisées par les Égyptiens. Ils vont même beaucoup plus loin, puisque à la fin de l'Ancien Empire, par exemple, les Égyptiens, et au début du Moyen Empire, les Égyptiens vont au-delà, à l'ouest de l'oasis de Darla, vers le Gilf Kébir, le Gebel Ouéinat. On se trouve à peu près dans la géographie contemporaine. Alors, ça se trouve à peu près à 1000 km à l'ouest de la vallée du Nil. Mmh. Voilà. Donc les oasis servent, et notamment Darla, servent de point de logistique, encore une fois, de pause, qui est aménagée pour se rendre vers ces lieux où ils commercent avec des gens qui viennent du sud. Et puis, évidemment, avec tous ces bouleversements qui peuvent arriver, par exemple, au moment du premier millénaire, Bérangère Redon, ces routes de commerce peuvent être interrompues, il peut y avoir, disons, l'impossibilité pour les chameliers plus tard, ou ceux qui transportent des marchandises par les ânes, eh bien, de venir en Égypte, et j'imagine qu'il y a nécessité de reconquérir ces routes à un moment donné, ou de faire dévier le commerce vers chez soi, parce que sinon, eh bien, on peut partir du cœur de l'Afrique et remonter plutôt du côté de ce qui a été ensuite la Tripolitaine, remonter du côté de la Libye actuelle, sans passer par l'Égypte, et donc en faisant détourner les routes qui peuvent être très importantes. Oui, tout à fait. Ben, le premier millénaire est un millénaire très perturbé, avec énormément de conflits, et les routes commerciales évoluent en fonction, évidemment, de ces aléas politiques. En Méditerranée, les guerres médiques et puis l'annexion de l'Égypte par les Perses vont changer quelque peu ces courants commerciaux. Malgré tout, on voit une certaine stabilité. Disons que les aléas politiques n'ont pas tant d'importance que cela. Les commerçants continuent. Le commerce continue malgré la guerre, complètement. On reste ouvert malgré la guerre. Voilà. Et puis il y a des stratégies en mer Rouge. Le commerce peut passer évidemment par le désert oriental, mais quand le désert oriental n'est plus accessible, et ça c'est le cas alors plus tard, à l'époque ptolémaïque par exemple, à l'époque d'une sécession de la Haute Égypte, des Égyptiens se révoltent contre le pharaon Ptolémée, Ptolémée IV à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, et bien les courants commerciaux vont jusque dans le nord de la mer Rouge pour atteindre Suez, l'emplacement de Suez actuel, et contourne complètement le désert oriental. Claire Somaglino. Alors oui, c'est d'ailleurs l'un des emplois de la guerre, hein, pendant l'époque pharaonique. Souvent, c'est pour s'assurer de routes commerciales et assurer l'approvisionnement dans certains matériaux comme le cuivre, l'étain, le bois, etc. Tout l'enjeu du couloir levantin est celui-là. Hein. C'est pour cela que c'est une zone d'affrontement entre les Hittites, les Mitanniens, les Égyptiens pendant le Nouvel Empire, pour s'assurer l'arrivée de produits qui viennent d'Afghanistan, de Mésopotamie, et qui sont indispensables pour les Égyptiens. Merci à toutes les deux. Merci Claire Somaglino et merci à vous Bérangère Redon d'être venue nous expliquer combien cette géographie était une géographie mouvante, intéressante, parce que justement les recherches que vous menez avec bien d'autres aujourd'hui nous montrent la non-fixité de ce territoire égyptien comme on l'a longtemps cru, et au contraire les mouvements qui l'ont parcouru en tous sens. Merci encore. On pourra lire de vous d'ici quelques temps Égypte pharaonique avec Pierre Tallet, Frédéric Perraudeau et Chloé Ragazzoni, Claire Somaglino, ça sera chez Armand Collin. Bérangère Redon, eh bien, on suivra vos travaux pour votre part, et on doit attendre au mois de juin une première publication, c'est ça? Oui, alors la publication des fouilles des mines d'or de Samout Nord dans le désert oriental, et puis une publication sur les chameaux également. Avec Damien Agut, nous avions organisé des journées d'études sur les chameaux et les actes vont paraître. Et on découvrira effectivement l'importance de ce vaisseau du désert pour toute cette région. Merci à toutes les deux. Demain, nous continuons et terminons cette série d'émissions qui a été composée en fonction de l'exposition Toutankhamon qui va ouvrir à la Villette à Paris en fin de semaine. Nous parlerons de l'exposition de 1967 de Toutankhamon, très grande exposition qui avait fait se déplacer plus d'un million de visiteurs à Paris au Petit Palais, mais également de cette exposition qui sera visible à partir de samedi à Paris. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et par Marion Dupont. Clément Daté nous a accompagnés à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.